Début de l'été 2000, je me suis inscrit. Eh oui. Pour venir me faire chier au permis. Pff, un ras-le-bol là maintenant. Faut dire que je n'ai pas vraiment très envie. Putain de merde, tu fais. Mais faut que je passe mon permis. Je passe mon permis. Je passe mon permis. Depuis le temps a passé et je suis pas motivé. Non. Ça fait un bail que le code, je l'ai loupé. Ah ouais, je l'ai raté encore une fois. Alors constamment et à longueur de journée. Qu'est-ce que tu fous, bordel ? On me dit faut que tu passes ton permis. Tu passes ton permis, tu passes ton permis. Nya, nya, nya, nya, nya. Avec ma X limite, je fais bien pire. On peut pas vraiment dire que je ressemble à Brad Pitt. À Boudoufich. Et avec ma combinaison toute pourrie, faut que je passe mon permis. Que je passe mon permis, je passe mon permis. Nya, nya, nya, nya, nya. C'est pas vraiment efficace pour draguer. Salut, comment tu vas? Quand la Rakia me voit arriver, elle est dégoûtée. Imaginez que je viens la chercher, à moitié trempée. Ah oui, mais elle est mouillée, la main. Elle me dirait, faut que tu passes ton permis. Tu passes ton permis. Tu passes ton permis. Et ouais. Et si jamais j'ai envie de me casser? Et maintenant, les vacances. Je parle d'aller me faire un peu bronzer. Un petit peu de soleil, ça pourrait pas. Et bien même pas, je pourrais y aller. Eh vache. Parce que faut que je passe mon permis. Que je passe mon permis. Que je passe mon permis. Non, non, non, non, non, non, non. Le soir, quand je mets de la zig, je me vois grand. Me vois grand et surtout plein de fric. Je me réveille en sursaut et je me dis qu'il faut que je passe mon permis. Bah oui. Que je passe mon permis. Et ouais. Que je passe mon permis. Pa-la-pa-pa-la-la. Pa-la-la-la-la. Pa-la-la-la. Pa-la-la-la. Pa-la-la-la. Et cette chanson, on l'a repris. Et oui. Ça, c'est pas vraiment cool. C'est tout pourri. Wouh! Non, eux.